Bon, allez, chut, chut, chut, là. Là, je vais vous faire écouter. C'est une bonne musique que j'ai faite à moi il y a longtemps. Ah, ça commence? Non, on l'entend en tout cas, oui. Ça s'appelle Die in the White Hills. Mais là, tu vois? Et alors, ça veut dire quoi en français, là, un test pour... Mourir dans les collines sauvages. C'est plutôt un impératif, enfin c'est pas grave, allez, continue. Meurs dans les collines sauvages. C'est ça, voilà. Déjà ça commence bien, tu vois, c'est un joli titre. Bon, vas-y. Bon, enfin, non, donc c'est une histoire, enfin c'est une musique concept, basée sur une histoire, oui, bah oui. Ah. Eh, je suis pas n'importe quoi, moi. Comme Pink Floyd. Ouais, on peut dire ça comme ça, hein. C'est bien, ça. Et donc là, tu vois, alors, c'est une musique sur les grands espaces, tu vois, c'est les Wild Hills. Les Wild Hills. C'est bien. Essayez encore une fois. Encore une fois. Vas-y. Oui, non, ça, on s'en fiche, allez, vas-y, continue. Et sinon, on n'avancera pas. Donc, les Wild Hills, c'est les grands espaces. Oui, les grands espaces. Les grands espaces, ça veut quoi pour vous? C'est les HLM. Le Puy de Dôme. Le Tibet, presque, Aurélien. Bravo. C'est le Tibet. T'es déjà allé au Tibet, toi? Alors là, attendez. Oui, toi. Ah, c'est mince. Qu'est-ce que oui, tu fais? Le problème n'est pas là, mais... Où ça, là? Exprime-toi. Arrête de dire n'importe quoi. Mais non, c'est Tintin, c'est Tintin au Tibet. Pas Tintin au Tibet. Non, mais tu nous inquiètes, de toute façon. C'est Tintin au Tibet. C'est ta santé mentale. C'est Tintin qui veut aller aider son ami, je sais plus, Chang, au Tibet. C'est bien. Au Tibet. Alors là, il part, vous voyez, c'est l'avion, c'est le tout. Ta mère, très méchante avec toi. Qu'est-ce qui va se passer au Tibet? Je cherche, j'ai du mal. Avec des orties. Et là donc il arrive. Surtout on t'a empêché de t'épanouir sexuellement, c'est ça? Et donc la gamine au Tibet, il atterrit. Oui. Ah mais pas toujours tout et tout. Je vais te prouver tout de suite. Alors là il rencontre son ami Chang, et Chang lui dit bah voilà, oui. J'ai perdu ma mère dans. C'est un chinois, non? Ou enfin, pour Chinois au Tibétain, c'est pareil, hein. Et oui, depuis que la Chine envahit le Tibet. Ouais, on. C'est vrai que les n'ont plus rien à dire. Y'a plus de Tibétain maintenant. C'est pas le problème d'argent, ni de Tintin. Le problème n'est pas là. Non, mais attendez. Le problème n'est pas là. Non, mais là, la musique avance. Mais arrête de piaffer. Mais arrête la musique alors si tu veux. Mais oui, je vais l'arrêter après. Après, bon, après. Alors vas-y. Alors Tintin au Tibet. Tintin au Tibet. Non, mais Chang, chinois au Tibétain. Allez, vas-y. Chang, chinois au Tibétain. Donc oui, c'est ça. Sa mère est perdue dans la montagne. Sa mère à qui? À Chang. Chang? Oui, elle a l'air ramassée des trèfles à quatre feuilles, des choses comme ça dans les Edelweiss. Les Edelweiss. Comme les Schtroumpfs. Et donc attendez. Alors Tibet, Tintin, va prendre son courage à deux mains et va dans les montagnes. De la troisième. Voilà, là j'arrête parce que bon, il faut que j'avance un petit peu. Donc il va vite dans les montagnes. Et qu'est-ce qu'il rencontre dans la montagne comme ça, au coin d'une montagne? T'as un col? Au coin d'une montagne, oui. Le Yeti. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes au coin d'une montagne. Vous pouvez faire 3 km pour Tintin, rencontrer Tintin, le Yeti. Tintin rencontre le Yeti. Alors là, c'est la rencontre. Là, oui, c'est la remise. Là, c'est la rencontre avec le Yeti. Donc là. Tintin, le Yeti, plein de poils, tout blanc sale. Tintin, avec sa petite soupe. Poils blanc sale. Tu nous la refais, là. Tu nous la refais. Voilà. Tintin, le Yeti, tout plein de poils blanc sale. Oui, ça, c'est un Tintin ou le Yeti? Non, mais le Yeti. Tintin, il a dit tout pète rousse, là, sur la tête. Là. Ouais. Et donc, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. C'est Tintin, le Yeti, c'est... C'est l'amour. C'est le Yeti, Tintin. On s'est évolué. C'est l'amour fou. Oui. Et là, on arrive. Tu as connu ça? Au moment. Tu parles de ta propre expérience. Au moment trou. Un Yeti. Au moment trou, ça y est. Ah, regardez, la musique est finie et j'ai même pas le temps de vous dire. C'est que là, ça se finissait simplement parce que Tintin ne savait pas. Bon, là. Bah, tu vois, ça recommence. Non, attends, mais tu peux laisser. Non, j'arrête. Et... Oh, c'est pas grave, on aurait bien écouté encore une fois de suite. Oh oui. Et donc, non, oh le dilemme, là, oui, le dilemme, c'est Tintin, le Yeti. Est-ce que Tintin va-t-il rentrer à Moulinsard ou va-t-il rester avec le Yeti? Tu fais bien de poser la question. Est-ce qu'il va-t-il rentrer? Tintin va-t-il rentrer à Moulinsard? Moulinsard, bonne question. Moulinsard, depuis la dernière guerre, est occupé. Tintin va-t-il rentrer à Moulinsard ou va-t-il rester dans la grotte avec le Yeti? C'est voilà. Ça. Là. Et là, je laisse la. Il hésite entre un château, Moulinsard. Et une grotte au fin fond du Tibet avec un Yeti, c'est bien ça. C'est ça. Et donc là. Mais alors pas que la question n'est pas là, Vincent. Je sais pas, moi, la musique elle est finie là, je peux plus. C'est fini là, hein. On va pas. Non, on va pas épiloguer, oui. Non. Bah non, c'est fini. Alors, tu nous dis tout ça pourquoi, finalement? Bah, je sais pas, moi, c'est une. Tu ne sais pas.